Il y a des troubles politiques. On voit qu'il y en a certains qui cherchent à parvenir au pouvoir avec, au fond, cette alternance des partis fait que la résolution des problèmes croissants est reportée à plus tard. Donc, la demande des populations va susciter une augmentation du populisme et ces changements économiques et sociaux vont mener à une dégradation, voire peut-être à un changement des élites. Les partis qui sont au pouvoir perdent de leur influence, il y a de nouvelles formations politiques qui apparaissent et donc les chances de survie pour ces systèmes politiques sont limitées. Afrique Média, le monde, c'est nous.